choix, prendre les bonnes décisions. La vie sans toi n'est pas une solution. J'espère que tu m'as cru quand je te disais que je t'aimerais toujours, car c'est sincère que je te soufflais. Je t'aime plus que tout mon amour, t'es tout mon sang, ma chair. La première fois pour moi bébé, je t'aime à en mourir. Profiter de ton sourire, j'ai la haine quand je te vois partir, tu me manques. Sans toi je fais que souffrir, chaque minute à t'attendre est une torture. C'est dur sans ma femme, pire quand je suis seul au bord des larmes. Ma vie à tes côtés, j'ai mis toutes les armes de mon côté. Pour cette guerre, je suis prêt à tout quitter. Mon avenir à tes côtés bébé, prêt à t'épouser, prêt à t'épauler. Pas question d'hésiter, pas le temps pour les regrets. Je t'aime à un degré trop puissant pour en parler. Je préfère te chanter mon amour, te dire que de toute façon sans toi je suis pas comblé, que je te veux plus toujours, que j'aurai le courage de fonder une famille qu'on a tant rêvé. Toujours là quand ça part en vrille, dans mes faut bras quand mes yeux brillent. Ses choix, prendre les bonnes décisions. La vie sans toi n'est pas une solution. Mon cœur s'emballe quand je suis contre toi. Et sur tes lèvres, la vie paraît si brève. On est heureux, on fout du temps, toi et moi, voilà tout ce que je veux. C'est rien loupé de ça aussi peu, durer d'amour sans oublier que la vie se joue à deux. J'ai jamais eu d'attache à cette heure-ci, faut profiter. Si jeune et con, demande aux darons ce qu'ils auraient fait. Je pense que seule une nous fera changer. 2007, qui sait, ce sera peut-être la bonne année. J'aime pas avoir mal, dépendre de quelqu'un d'autre. Moi je trouve pas ça normal, frère. Femme laisse d'affaires, laisse tomber, c'est l'enfer. J'espère avoir trouvé la bonne, tu finiras par faire la paire, par faire la paire. Oh, oh, hey, hey, hey. Merde, tu m'as, tu m'as. Je veux prouver au monde entier que je suis fier de ma femme, que je tuerai sans pitié, que te perdre serait mon drame. Ses beautés, ton charme, trop de choses à dire, tellement je t'aime, tellement de rimes dans un poème. Car je frissonne quand je te vois, je souris quand tu m'appelles, tu vois ton homme auprès de toi. Tous les matins je veille à ton bonheur, de se serre contre moi pendant des heures. C'est toi et moi et personne d'autre, ta chaleur contre la mienne. Pardonne-moi pour toutes mes fautes, viens avec moi si je pars. Poursuivre tous les deux pour mon futur, je veux pas d'hasard. Je me vois avec toi et des jours heureux. Avec toi et des jours heureux. Faut faire ses choix, ses choix. Prendre les bonnes décisions. La vie sans toi n'est pas une solution. Mon cœur s'emballe quand je suis contre toi. Et sur tes lèvres, la vie paraît si brève. Comme chacun de nous, mon cœur s'est brisé, l'amour fait mal, méfiez-vous. Déclaration en pleurs, et le soir même tout s'efface. Sûr que seule la vie fait peur. Partir sans laisser de traces, en véritable explication. Les femmes t'aiment et t'oublient plus vite que n'importe qui. Paraît que notre relation lui a fait mal, va voir Bertrand Cantat. Sûr et certain que tu le regretteras. Tu feras des rêves de nous dans ton sommeil, te rappellera nos réveils. Reviens pas me dire que ton amour est toujours pareil. J'ai mis tant de temps à t'oublier. Aujourd'hui, ce que tu veux est passé. Faut faire ses choix. Prendre les bonnes décisions. La vie sans toi n'est pas une solution. Mon cœur s'emballe quand je suis contre toi. Et sur tes lèvres, ta vie paraît si brève. Faut faire ses choix. Prendre les bonnes décisions. La vie sans toi n'est pas une solution. Mon cœur s'emballe quand je suis contre toi. Et sur tes lèvres, la vie paraît si brève.